Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Change la manière de concevoir la vie, mon frère. Change la manière de concevoir la vie, ma sœur. Pourquoi conçois-tu toujours des petites choses? Tu as peur des grandes choses, alors que ton Dieu, c'est un grand Dieu. Commence à voir des grandes choses, parce que l'Éternel t'appelle à accomplir des grandes choses. N'aie pas peur des grandes choses. Tu as peur que les membres de ta famille disent, voilà, et ils vont dire, il faut cesser dans cette histoire, ils vont dire. L'Éternel t'appelle à faire des grandes choses. Tu es comme une ville située sur une montagne, et tu ne peux pas être caché. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Romains chapitre 9. 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 9, 1 à 13. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons éprouver une tristesse. Nous devons avoir un double sentiment vis-à-vis d'Israël. Nous devons à la fois éprouver un sentiment de tristesse à l'égard de ce peuple qui aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Seigneur. Mais à la fois, nous devons être reconnaissants envers Israël, parce que Israël, c'est un peuple spécial qui nous a donné le Christ, Jésus-Christ. Il est né comme juif selon la chair. C'est un peuple qui a reçu la loi, les alliances, les promesses. Mais hélas, Israël ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en cela que l'apôtre Paul dit, même si lui-même est juif, il dit, j'éprouve une tristesse. Au verset 1, il dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Verset 2, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi? Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents sont la chair. Tu vois, quand tu as des parents là, sont la chair, c'est-à-dire tes parents biologiques, tu as des cousins, tu as des cousines, quand ils ne connaissent pas Jésus-Christ, il faut avoir la tristesse, il faut que ça te préoccupe, il faut commencer à prier pour eux. C'est ce que Paul veut nous montrer ici. Il dit, qui sont les Israélites? Verset 4. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, les patriarches? Et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses? Vous voyez, c'est un peuple qui a reçu la grâce. Dieu s'est révélé à Israël. Si Dieu a donné les 10 commandements, c'est à Israël, par l'intermédiaire de Moïse. C'est le peuple de l'Alliance. C'est le peuple qui a eu la grâce de célébrer un culte. Dieu a montré comment on l'adore. Il a demandé à Moïse de construire un tabernacle avec 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, nous devons être reconnaissants envers Israël. Mais hélas, ils ne reconnaissent pas Christ comme le Messie. Prions pour eux, éprouvons cette tristesse. Deuxième vérité, tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Vous voyez, selon l'ancienne dispensation, il suffisait tout simplement de naître juif et tu fais partie du peuple élu de Dieu. Mais le paradigme a changé à partir de la mort de Christ. Vous voyez, on n'est pas enfant de Dieu de naissance. On le devient lorsqu'on croit en Jésus. C'est ce que Paul veut dire ici. Il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Cela veut dire, ce sont seulement les fils de la promesse. Regardez Abraham. Il avait Ismaël. Il avait Isaac. Mais le fils de la promesse, c'était qui? C'était Isaac. Vous voyez? Il y a donc la notion de l'élection. La même chose. Le fils de la promesse, parmi les enfants d'Isaac, c'était Jacob. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer ici que nous devenons enfants de Dieu. Nous faisons partie de la race des élus quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour dire, contrairement à ce que certains pensent, il y a des gens qui pensent que lorsque les parents sont des catholiques, sont des protestants, méthodistes, membres de l'église Seigneur, assemblée de Dieu, qu'ils sont automatiquement chrétiens. Mon ami, tu te trompes, ce n'est pas ça. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut une rencontre personnelle de Jésus. Le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Il ne peut pas dire, dans notre famille, nous prions beaucoup, nous connaissons Jésus, mon grand frère est abbé, mon grand frère est prêtre, mon grand frère est pasteur. Non, mon ami, ce n'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la foi personnelle en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Troisième vérité, nous voyons ici l'élection divine. C'est une notion qui est parfois compliquée à comprendre. Il est dit au verset 11, « Car... quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous voyez, c'est une histoire qui est parfois compliquée. Mais ça fait partie de l'élection divine. Vous voyez, Rebecca avait été enceinte des jumeaux. Il y avait Ésaü qui était l'aîné qui devait sortir les premiers et puis Jacob. Déjà dans le sein maternel, il sentait que ses deux enfants se bagarraient, se disputaient. Mais Dieu lui a donné la révélation en disant, parmi ces enfants-là qui se disputent, c'est le plus jeune-là qui va dominer sur l'aîné. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que celui que Dieu a choisi, c'est Jacob. Vous voyez, donc ça montre que Dieu peut nous choisir même avant notre naissance. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a destiné à être élevé, même si les gens te combattent, même si avant ta naissance, on dit que les sorciers ont failli te tuer parce qu'ils voyaient en toi une étoile, ils ne pourront jamais empêcher les desseins de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Déjà, il a dit, il a déclaré des choses sur Jacob. Je vais parler à quelqu'un. Avant même ta naissance, il y a des choses que Dieu a déclarées sur toi qui s'accompliront. Et personne ne pourra empêcher l'accomplissement du plan divin sur ta vie. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ici, il ne faut pas prendre le verbe haïr dans le sens habituel. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion de l'élection. Dieu voulait dire, il a choisi Jacob. Jacob fait partie des enfants de la promesse. Tandis que les enfants d'Ésaü ne faisaient pas partie des enfants de la promesse.

Merci Seigneur pour la journée que tu nous accordes. Nous t'élévons, ô éternel notre Dieu, toi qui nous as choisis et qui as fait de nous des fils de promesses. Nous t'élévons, ô notre Dieu, notre Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais Seigneur, tu nous as choisis comme tu as choisi Jacob à la place d'Ésaü. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous te glorifions. Sois magnifié, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui accomplis fidèlement tes promesses envers ton peuple. Oui, tu es le Dieu fidèle. Merci, ô Père, de nous aider à garder la foi, attendre l'accomplissement de tes promesses, quelle que soit la durée. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui accomplit toujours tes promesses avec fidélité. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission maintenant des prières que nous appelons OSB, Opération sous la brèche. Le passage du jour, c'est Romains 9, 1 à 13. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Ce passage nous montre que nous devons éprouver un double sentiment envers Israël. Un sentiment de tristesse qui doit nous pousser à prier pour Israël parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais à la fois un sentiment de reconnaissance parce qu'ils nous ont donné Jésus. Jésus est né juif. C'est eux qui nous ont donné la loi. Nous allons prier pour Israël. Nous allons prier pour ce peuple afin qu'il se tourne vers Dieu. Oui, ici nous voyons, la Bible nous montre qu'il y aura un reste. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te louons pour tes hauts faits. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, toi qui veilles sur nous, toi qui as toujours manifesté ton amour pour nous. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes reconnaissants au Père éternel. Nous sommes reconnaissants également pour la nation d'Israël, par qui Jésus-Christ est venu. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que Israël est le peuple que tu as choisi pour préparer la venue du Messie, qui est notre Sauveur. Nous exprimons cette reconnaissance. Et nous prions aussi pour Israël, qui n'a pas suivi tes instructions jusqu'au bout, qui n'a pas suivi tes promesses jusqu'au bout. Nous prions dans le nom de Jésus. Christ. Et nous demandons, Père, qu'Israël puisse reconnaître que véritablement Jésus-Christ est Seigneur. Que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui empêche cette nation à cette reconnaissance soit ôté au nom de Jésus-Christ. La nation d'Israël a fait de grandes choses pour nous. La nation d'Israël a préparé la venue du Messie. La nation d'Israël a été le socle et cette nation a payé, a pris cher. Elle a souffert, elle a enduré. pour la préparation de la venue du Messie. C'est pourquoi nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit totale dans la vie de cette nation, afin qu'ils puissent reconnaître véritablement que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père pour ce privilège que tu nous as donné. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Et merci aussi Père éternel pour nos prières qui ne sont pas vaines. Parce que nous avons cette assurance que nos prières seront exaucées. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Cela veut dire qu'on ne devient pas chrétien parce que ses parents sont chrétiens. On ne devient pas chrétien parce que on a un papa, un grand frère qui est abbé, qui est, je ne sais pas, pasteur. Non. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont des religieux, qui pensent que en étant baptisés, confirmés, ils sont convertis, alors que leur vie ne démontre pas la transformation. Si toi-même tu es concerné, demande pardon au Seigneur. Oui, prie pour que réellement tu puisses rencontrer Jésus. Si tu as des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, ils s'en vont seulement les jours de fête. On les voit seulement à l'église les jours de Noël, les jours de Pâques, les jours de Pentecôte. Non, ils prient pour qu'ils changent de vie. Prions le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, notre Dieu, notre Père. Parce qu'il est dit dans ta parole, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font ta volonté. À toi la gloire, parce que tu as dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous voulons te servir tous les jours. Nous voulons t'honorer tous les jours. Nous voulons te louer tous les jours, lis ta parole tous les jours, être au milieu de nos frères et sœurs tous les jours, dans ta maison, comme au temps de l'église primitive. Nous voulons te recommander tous ceux qui viennent au jour de Noël, au jour de Pâques, au jour de fin d'année de la Saint-Sylvestre. Nous croyons que ces bien-aimés frères doivent changer, être toujours dans ta présence. Dans ta présence, j'ai soif de ta présence. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison doit nous dévorer, Seigneur. Nous prions que ce zèle embrase tes enfants dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans l'amour des frères et sœurs, dans l'évangélisation, dans l'engagement dans l'église. Seigneur, c'est notre vœu, c'est notre désir, c'est notre souhait. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les desseins de Dieu dans nos vies. Oui, Dieu a déclaré sur Jacob que c'est lui qui allait dominer sur son frère Ésaü. Tu vas prier pour toi-même, pour dire « Seigneur, laisse que le plan que tu as déjà décrété sur moi, les promesses que tu as déjà faites sur moi, même avant la fondation du monde, avant que je naisse, laisse que ma destinée prophétique puisse s'accomplir. » Quelles que soient les circonstances. Parce que c'est parce qu'il a déclaré que Jacob serait élevé et que Ésaü serait assujetti. C'est ainsi que les circonstances ont permis même que lui-même Ésaü vende son droit de naissance à Jacob. Prie pour que les desseins de Dieu sur ta vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Seigneur, merci parce que depuis le sein de notre mère, tu nous avais déjà mis à part, tu nous avais déjà consacré, tu nous avais déjà, oui, programmé pour que nous fassions ton œuvre, pour connaître Christ et le servir. C'est pour cela que je veux prier ce matin que nous vivons au-dessus de tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Nous vivons au-dessus des autres, de ce qui pourrait nous empêcher de voir ta gloire au nom de Jésus. Maintenant, j'appelle que des exploits inimaginables soient notre portion au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit relâché comme une bénédiction pour son monde, pour sa famille, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce changement surnaturel de niveau. Merci, Seigneur, pour quelqu'un en ce moment précis qui est touché par l'évangile et qui abandonne les ténèbres, qui abandonne son péché et se donne réellement à Christ. Père, merci parce que encore aujourd'hui, une femme passe de la stérilité à la fécondité au nom de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, je proclame que quelqu'un entre dans sa santé divine au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant dans la vie de quelqu'un qu'il a, il reçoit, oui, Seigneur, un coup de fil qui lui donne d'avoir son premier emploi en ce jour. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui est un jour de très bonnes nouvelles car il reçoit sa lettre de nomination qui durait depuis longtemps. Père, merci parce que tu nous fais voir ta gloire et tu nous donnes d'avancer, de progresser dans la lecture, dans la méditation de la parole et dans la foi. Merci pour l'onction de Dieu qui est répartie sur les serviteurs de Dieu afin que par la prédication de la parole de foi, des signes, des miracles, des prodiges se manifestent et le peuple est édifié, le peuple croit et il y a un nombre qui se donne à Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que nous aurons les dimanches 28 février, les dimanches qui arrivent, notre rencontre bonheur conjugal à l'intention de couples mariés. Thème, la réalité de combat spirituel. Viens écouter cet enseignement. Nous allons passer du temps de la prière pour déjouer les forces sataniques qui déstabilisent nos foyers, qui déstabilisent, oui, nos enfants, qui sont même à la base de menaces de divorce. Prions le Seigneur. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ce sera dimanche 28 à partir de 17h au CPE. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.